peine. Mais c'est ta dame, cœur en bas, psychodrame, au fond du mauvais sang dedans. Mon amour est de bonne humeur, de sa peau elle est ta fleur. De peau.